بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكلكم أيها الإخوة في الله تعلمون ما يعيش العالم الإسلامي والعالم العربي من تمزق وتشرذم وذل وهوان، والمؤتمرات تتوالى منذ سنين سعيا لتحقيق وحدة المسلمين ووحدة العرب وجمع الشبل، ولم تجد إلى ذلك سبيلا. Tous voyons, frères en Allah, ce que vit le monde musulman et le monde arabe comme des déchirements. C'est les congrès, derrière congrès, pour essayer de reconstituer une unité, ils n'y arrivent pas. فهذا يجعلنا نطرح سؤال: ما الذي جمع العرب قبل الإسلام وما الذي جمع المسلمين؟ ما الذي جمع العرب وما الذي جمع المسلمين؟ أشنا هو الدافع، أشنا هو النقطة اللي تجمعهم واللي جعلت لهم وحدة وكيان في القديم؟ Partant de là, une question s'impose à nous: qu'est-ce qui a fait les unités des Arabes et qu'est-ce qui fait l'unité des musulmans? Il faut chercher ce point qui fait l'unité pour l'accomplir de nos jours, pour arriver à cette unité que nous cherchons tous. فانطلاقا من هذا السؤال، نحاول بتوفيق الله عز وجل أن نلقي بعض الضوء على فاعل وحدة العرب، وسنذكر صاحب الفضل الأكبر في هذه الوحدة، لأن الناس يذكرون فضل فلان وفضل علان وزيد وعمر من الناس، وفضل هذا الفريق وفضل هذا الفريق، وينسون صاحب الفضل الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى. فهو صاحب الفضل أولا وأخيرا، فله الحمد وله الشكر والمنة. Partant de cette question, nous allons essayer de nous éclairer un petit peu avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, voir une certaine lumière sur qu'est-ce qui a fait l'unité des Arabes. Et nous allons citer, attribuer le bienfait à celui qui le donne, qui est Allah Azza wa Jal. Parce que souvent les gens attribuent les bienfaits à telle personne ou à tel groupe, ou à celui-là ou à celui-là, ou à ce groupe ou à l'autre groupe. Et ils oublient celui qui donne les bienfaits, qui est Allah Azza wa Jal. Celui qui fait les bienfaits et qui comble les gens de ses bienfaits, c'est Allah Azza wa Jal. Donc toute la louange revient à Allah Azza wa Jal, et tout le remerciement n'est dû qu'à Allah Azza wa Jal. فكلنا يرى أمامه أن العرب متمزقين ولا يكادون يتفقون على موقف أو يجتمعون حول فكرة، فلا تراهم إلا متمزقين ومتشتتين، وهذا بسبب بعدهم عن المنهج الصحيح لهذا الدين، منهج سلف هذه الأمة، أي منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Tout un chacun de nous qui doué de raison voit le déchirement et la dispersion dans laquelle baigne la communauté de l'islam et les arabes, les musulmans en général et les arabes en particulier. Les congrès s'accumulent l'un derrière l'autre pour chercher une unité, ils n'y arrivent pas. Ça ne fait que grandir les déchirures et les failles. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont loin, ils se sont trop éloignés de la voix de Mohammed alayhi salam et de la voix de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. c'est impossible qu'ils arrivent à une unité sans revenir à cette voie. فلا يمكن أن نرجع إلى الوحدة وإلى التماسك وإلى القوة والعز إلا إذا رجعنا إلى منهج رسول الله ومنهج صحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. إذا قال الإمام مالك ونعم ما قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Il est impossible de revenir à la force et d'avoir une unité et d'être unis que si nous revenions à la voix de Mohammed عليه الصلاة والسلام, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Et quelle belle parole a dit Imam Malik rahmatullah alayh, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Qu'est-ce qui a fait le bien du début de la communauté? C'est des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir suivi Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi, c'est seulement cette voie-là qui va nous sortir de ces déchirures. فلا يمكن للوحدة أن تكون إلا بمنهج صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فهو الطريق للوحدة ولجمع الشمل. والله إن سلك المسلمون والعرب هذا المنهج لهابتهم الدنيا بأسرها ولاجتمع شملهم وبورك لهم في حياتهم وحقق لهم الله النصر والشرف والعزة وأتاهم ما وعدهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد الله ولكن لا بد من شروط. Donc il est impossible à la communauté arabe, musulmane, etc. d'avoir une unité sans prendre le chemin de Mohammed عليه الصلاة والسلام et de ses nobles compagnons. C'est la seule voie qui va nous amener à être unis et à sortir de ce déchirement et de cet avilissement dans lequel nous sommes. Si les musulmans et les arabes s'unissent sur la voie de Mohammed alayhi salam et de ses nobles compagnons d'Allah alayhim, le monde entier va avoir peur d'eux. Et ils auront la bénédiction dans leur vie ici-bas. Ils auront l'agrément d'Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera ce qu'il leur a promis. La promesse d'Allah Azza wa Jalla est suspendue à des conditions. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre, qu'il va les faire succéder les uns aux autres sur cette terre et qu'il va donner la force, wa alaykum salam, il va donner la force à leur religion, comme il l'a fait à ceux d'avant eux, il va faire que leur religion prenne le dessus sur tout. Et il va leur changer leur peur et leur insécurité en une sécurité totale et une piété totale. Ils m'adorent, ils ne me font aucun souci. Donc cette promesse d'Allah Azza wa Jal, il est suspendu à des conditions. Il faut donner les conditions à Allah Azza wa Jal. Wa sanarji'u ila madina likay nara anna alladhi ja'alana araban asasan وأصلا هو الإسلام. الإسلام ومنهج صحابة رسول الله هم الذي جعلوا منا عربا. فالمغرب والجزائر وتونس والعراق وسوريا ومصر لم تكن أصلا عربية, وإنما الذي عربها الإسلام وفاتحوها وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons revenir un petit peu à notre passé en arrière pour voir la réalité en face. Pour se rendre compte qu'est-ce qui a fait de nous que nous devenions des arabisés ou des arabes. C'est l'islam. C'est l'islam selon la voie des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Selon ceux qui ont fait, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam qui ont fait la conquête d'Afrique du Nord. À la base, ni le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni l'Irak, ni la Syrie, ni l'Égypte n'étaient arabes. Mais qu'est-ce qui a fait d'eux qu'ils deviennent des arabes? C'est l'islam. Et c'est ces conquérants d'Allah qui sont allés vers ces contrées, vers ces pays, pour les appeler vers la soumission à Allah Azza wa Jal, vers le fait de réserver le culte à Allah Azza wa Jal et de suivre Mohammed alayhi salatu wasalam. Et ces conquérants ne sont d'autres que les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Ce n'est pas des concurrents dans le mauvais sens du terme, loin de là. Ils ne sont pas venus pour conquérir la terre, mais ils sont venus dans ces pays pour propager la parole d'Allah, Azzawajal, et pour sortir l'humanité de l'adoration des créatures et les amener vers l'adoration d'Allah, Azzawajal, et les sortir des ténèbres de l'associationnisme et du paganisme dans lesquels ils étaient pour les ramener vers la lumière de l'unicité et la soumission à Allah, Azzawajal, et le suivi de Mohammed, alayhi salam. فأيها الإخوة العرب كانوا قليلين وكانوا يسكنون الجزيرة العربية محاطة بالشام والعراق ثم جاء الإسلام وفتح العرب تحت راية الإسلام هذه البلدان كلها فبالإسلام على منهج صحابة رسول الله أصبحت سوريا عربية والعراق عربية ومصر عربية وشمال إفريقيا والسودان أصبحوا عربا كل هذا بالإسلام على منهج صحابة رسول الله كل هذه البلدان إنما هو الإسلام الذي صيرها عربية لولا الإسلام لم تكن عربية أصلا les Arabes qui habitaient la péninsule arabique étaient peu nombreux ils étaient peu nombreux cette péninsule arabique qui était entourée de Cham, toute la partie nord qui est composée de la Palestine, la Syrie, la Jordanie, le Liban, et de l'autre côté aussi l'Irak. L'islam est arrivé et il a conquis ces pays, il a ouvert ces pays. Ces pays qui sont au nord de l'Arabie et au sud de l'Arabie et à l'ouest aussi de l'Arabie, etc., ont été ouverts avec l'islam. Et c'est avec l'islam que ces pays sont devenus arabes, ont été arabisés. Que ce soit l'Irak, que ce soit l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Nord, tous ces pays ont été arabisés avec l'islam. C'est l'islam qui a fait que ces pays deviennent arabes. ولولا الإسلام لما كانت هذه البلدان وغيرها عربية أصلا ولما حصل التفاهم فيما بينها. Si ce n'est l'islam, ben, ces pays ne seraient pas devenus arabes. Il n'y aurait pas de communication entre ces pays, de compréhension entre ces pays. وقد يقول البعض أن الإسلام لا دخل له في كل هذا وأن العرب هم الذين خرجوا من الجزيرة وهم الذين فتحوا وهم الذين صيروا هذه البلدان إلى دول عربية وهذا غير صحيح خطأ. Parce que certains vont dire que l'islam n'a rien à voir là-dedans. C'est tout simplement le peuple arabe qui est sorti de la péninsule, qui a conquéré ces pays et qui les a rendus arabes. Ceci est faux. Non avenant. فالهجرات كانت معروفة من بلاد العرب منذ زمن قديم. كان العرب يخرجون من بلادهم قبل الإسلام أفرادا وجماعات. والتاريخ يحدثنا عن تلك الهجرات. قبل الإسلام التي كان العرب يتجهون من خلالها من جزيرتهم إلى الشمال وإلى ما بين النهرين أي إلى ما بين الفرات ودجلة وغربا إلى مصر والسودان فكانت الهجرة معروفة عندهم ومع ذلك لم يتعرب القوم قبل الإسلام donc l'immigration était connue par les Arabes à cette époque bien avant l'islam. Les Arabes, depuis Bellouret, quittaient la péninsule pour aller vers les pays entre les deux mers, c'est-à-dire entre l'Euphrate et le Tigre, et en allant vers le nord, de l'Arabie vers la Jordanie, etc., tout ce qui s'appelle la Jordanie, la Palestine, etc., et en allant en Égypte, au Soudan et autres. Donc l'immigration était connue avant l'islam. Et pourtant, cette immigration des Arabes n'a pas arabisé les pays dans lesquels ils sont arrivés. C'est l'islam qui va amener l'arabe après. ولكن العرب الذين هاجروا في ذلك الوقت لم يعربوا تلك البلاد. وبالعكس فقد فقدوا هناك عربيتهم ولغتهم. وارتبطوا بالبلاد التي احتضنتهم واندمجوا في تلك البلاد. Donc, mais les Arabes qui ont immigré avant l'islam ils n'ont pas arabisé les pays dans lesquels ils se sont installés. Au contraire, ils ont fondu dans la masse. Ils se sont adaptés. Ils sont devenus des gens du pays. Et leur identité a fondé, comme ce qui arrive à certains parmi nous maintenant en France, en Belgique, etc. Ils fondent dans la masse. Ils n'ont plus de personnalité. Hein? Et ils se perdent petit à petit dans cette société. Ben, les Arabes avant l'islam, c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont été, comme ils deviennent à certains parmi nous maintenant, comme une bougie. Petit à petit, ils ont fondé dans la masse. La même chose. Regarde les générations à Marseille. À quel point ils sont arrivés maintenant? Tu as maintenant Sylvie Abdullah, Mohamed David, et Vezinta, ça n'en finit plus. Les noms commencent. Hada, ça commence comme ça. Mais quand tu le vois en apparence, Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Ils sont tous. Des fois, certains, s'ils ne parlent pas, ou s'ils ne te disent pas qu'ils sont d'origine arabe, ben, tu ne le sais pas. De par les transformations qui se sont données, qui se sont faites eux-mêmes. ولكن عندما خرج العرب من جزيرة العرب تحت راية الإسلام وتحت المنهج الذي رسمه محمد عليه الصلاة والسلام فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلاد فسكان البلدان التي فتح المسلمون تعلموا اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولأنها لغة نبي الإسلام فتحولوا بذلك إلى عرب ويجب علينا أن نتنبه الآن إلى هذه الدعوات التي تحوم حولنا من الآن بحكم إحياء التراث البربري والتراث القبلي والتراث الإنساني بين الفينة والأخرى تسمع صيحات تقول لك هؤلاء الفاتحين أي العرب إنما هم مستعمرون فلنرجع إلى أحياء تراثنا البربري ونرجع إلى أحياء لغتنا البربرية وكذا وكذا وخصوصيتنا الجهوية وكذا وكذا نحن لا أصدنا ضد اللغة البربرية ولا غير اللغة البربرية اللغات هذه آيات من آيات الله عز وجل ولكن فلننظر ما وراء هذه الدعوات إن وراءها ما وراءها من فصل هذه الأمة عن لغة القرآن وإبعادها عن لغة هذا الدين ولغة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا هو المشكل ليس المشكل في إحياء التراث العالمي والتراث الإنساني والثقافة الإنسانية هذا لا إشكال فيه ولكن الإشكال من وراء هذا كله من وراء هذه الدعوات Et quand les Arabes ont quitté, sont sortis de la péninsule, sous l'étendard de l'islam, et sous la voie que leur a tracé Mohammed al-Salam, ils ont ouvert les cœurs avant d'ouvrir la terre. Ils ont conquéri les cœurs avant la terre. Et les pays dans lesquels ils sont rentrés, et les gens de ces pays sont devenus des Arabes. Ils ont appris la langue arabe parce que c'est la langue du Coran, parce que c'est la langue de la révélation, parce que c'est la langue de la parole d'Allah, et c'est parce que c'est la langue des derniers des messagers alayhi salatu wassalam, et la langue du dernier message. C'est pour ça qu'ils ont appris cette langue, et ils ont aimé cette langue. Et partant de là, le berbère et les autres sont devenus des Arabes. Ont été arabisés pour le Coran, pour l'islam, pour Allah et pour la religion d'Allah Azza wa Jal et pour la sunna de Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est pour ça qu'il faut faire très attention maintenant à ce qui se trame autour de nous, à droite et à gauche, sous l'étendard de le fait de refaire revivre les cultures humaines. Hein? Ben, par-ci, par-là, en Afrique du Nord, on attise. Le fait de faire renaître la culture berbère, la langue berbère, la langue d'Iqbayl, la langue des Touaregs, et ça, ils s'en passent. Les langues, il est évident, on n'a rien contre les langues. C'est un, c'est un signe min Allah Azza wa Jal, la différence qu'il y a dans les langues et dans les couleurs, il n'y a pas de problème. Mais regardons ce qu'il y a derrière cette propagande qui s'installe maintenant petit à petit en Afrique du Nord sous l'étendard de faire revivre et ne pas oublier l'héritage humain et l'héritage de la culture humaine, etc. Et l'héritage international. Et qui est derrière tout ça? C'est une voie par laquelle on veut séparer cette communauté, éloigner cette communauté de la langue del Coran et de la langue de sa religion. La jeter dans les dialectes, la jeter dans les autres langues et mettre du temps à apprendre ces langues et leurs écritures. Pourquoi? Pour qu'ils aient plus le temps d'apprendre l'arabe. Pour qu'ils puissent plus communiquer avec la langue de la dernière des révélations. Et ainsi, ils les coupent. C'est un moyen de guerre auquel il faut faire attention pour combattre l'islam. C'est un des moyens parmi les moyens. Et il est utilisé avec habileté, à tel point que maintenant tu entends certains qui te disent « Ces Arabes qui sont venus nous convertir à l'islam, ce n'étaient que des colonisateurs. » Alors qu'ils sont venus. Ils ont sorti les berbères qui, à cette époque, adoraient les arbres, adoraient le feu, se prosternaient pour le feu, pour les sources d'eau. Ils les ont sortis des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme. Et maintenant, tu as des minus qui sortent, qui te disent « Ah, ce ne sont que des concurrents. » Et ils noircissent l'image de ceux qui ont amené l'islam dans les pays d'Afrique du Nord et autres. Alors que ces premiers qui ont amené l'islam vers l'Afrique du Nord, ce sont des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et pour être les récipients de cette religion et de la propager après. فالإسلام هو الذي جعل البرابرة في شمال إفريقيا عربا وجعل السوريين عربا وجعل الجزائريين عربا وجعلت العراق عربية ومصر عربية والسودان عربية وأهل السنغال منهم من هم من يتكلمون بالعربية الآن فمن الذي جعل هذا كله إنما هو الإسلام هو دين رب العالمين الإسلام c'est lui qui a fait que les habitants d'Afrique du Nord les berbères et autres sont devenus des arabes. L'islam, c'est lui qui a fait des Syriens des arabes, et qui a fait des Égyptiens des arabes, et qui a fait des Soudanais des arabes, et qui a fait de certaines fractions au Sénégal des arabes et autres. Ce n'est que l'islam. فالإسلام هو الذي كون هذا الوطن الواسع الذي يمتد امتداد الأرض نسأل المولى عز وجل أن يجمع شمله ويوحده تحت لواء منهج الحق ومنهج صحابة رسول الله رضوان الله عليه الذي هو المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وهو المنهج الذي جعل العرب أمة وجعل العربي يحس بأنه له كيان ولم يكن للعربي كيان ولا يحس بكيان ولا بأمة في العصر الجاهلي الإسلام qui a fait exister cette nation énorme qui va de l'océan Atlantique au Pacifique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse cette communauté. Unisse cette communauté sous la voix de Mohammed alayhi salatu wassalam et la voix de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. C'est l'islam qui a fait que les Arabes deviennent une communauté. C'est l'islam qui a donné le sentiment aux Arabes comme quoi ils sont une communauté. Durant la période pré-islamique, aucun arabe ne se sentait qu'il était arabe. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire arabe. Il parlait au nom de la tribu. Tout simplement. Fil jahiliya qabl al-islam, kana al-arabi yash'ur shu'uran qabaliyan faqat. Wa lam yakun yash'ur birtibati bi ummatin hiya al-umma al-arabiyya. Bal kana shu'uruhu qabaliyan quhan. وعندما نقرأ الشعر الجاهلي لا نجد فيه كيانا واحدا يسمى بالكيان العربي وإنما نجد الشاعر الجاهلي يفتخر بقبيلته الخاصة ويهجر القبائل الأخرى هذا الذي كان عنده Pendant la période pré-islamique, l'arabe n'avait aucun sentiment. Ils n'avaient pas de sentiment d'exister en tant que communauté arabe. Mais ils avaient un sentiment tribal. Ils se sentaient qu'ils appartenaient à une tribu. La tribu de Bani Shayban, ou la tribu de... Hein, ceci ou cela. Ils agissaient au nom de la tribu et pour la tribu. Quand on lit la poésie de la période pré-islamique, prouve que la communauté et le sens et le sentiment de la communauté arabe n'existent pas. Ce qui existe dans la poésie pré-islamique, c'est le sentiment tribal, l'appartenance à une tribu. Le poète, quand il parle, il fait l'éloge de sa tribu. Il critique, il blâme les autres tribus. Point final. Et il médite sur les autres tribus. Il parle avec un sentiment tribal. وعندما كانت وقعة دقاق هذه الوقعة التي كان يفتخر بها العرب والتي تغلبت فيها بعض القبائل العربية على فرقة من جيش كسرى أخذ الشعراء ينظمون القصائد ولم يتحدث هؤلاء الشعراء العرب عن العرب جميعا ولا عن أمة العرب وإنما الشاعر الشيباني يتحدث عن الشيبانيين عن قبيلة الشيبانيون عن بني شيبان والعجليون يتحدثون عن بني عجل هذا الشاعر العجلي يتحدث عن بني عجل عن بني قبيلته واليشكريون يتحدثون عن بني يشكر ولم يكن هناك بينهم إحساس بكيان واحد إلا هذا الإحساس الإحساس القبلي ولكن هذا الإحساس بأنهم أمة جاء به الإسلام وجاء عندما أسلم العرب donc quand il y a eu la bataille une des batailles qui s'appelle Diqaq qui est une bataille réputée avant l'arrivée de l'Islam c'est une bataille avec une certaine fraction de l'armée de Kisra de César et ils ont combattu et ils ont battu cette armée ils ont pris le dessus dessus. Les poètes, dans leur poésie à cette époque, quand tu lis leur poésie, tu te retrouves avec que quand ils se flattaient, ils flattaient leur tribu. Chaque poète flattait sa tribu. Ils ne flattaient pas les Arabes en tant que communauté. Ils n'existaient pas dans cette poésie-là. Par contre, le poète de Bani Shayban flattait la tribu de Bani Shayban. Le poète de Bani Ajlun, il flattait la tribu de Bani Ajl. Le poète d'Yeshkourien, il flattait la tribu de Bani Yeshkour. Et ainsi de suite. Il n'y avait pas ce sentiment de communauté arabe. C'est l'islam qui a fait exister ce sentiment. Ce sentiment de communauté arabe n'a existé qu'avec l'islam. Pour l'arabe, il y a le jahiliya. كان الواحد منهم يحس بارتباطه بقبيلته وكانت هذه القبائل تحترب فيما بينها وتختصم وتتقاتل وتتناحر les arabes pendant la période pré-islamique tout un chacun parmi eux se sentait il avait une liaison avec sa tribu et non pas avec une communauté qui s'appelait la communauté arabe et ces tribus se faisaient la guerre entre eux ils s'entretuaient ولا يخفى عليكم الحرب التي قامت بين حيين أخوين في المدينة دامت أكثر من 120 سنة دامت أمدا طويلا وهي بين الأوس والخزرج قبل قدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى كاد الفناء يعم القبيلتين ولكن ما إن دخل الإسلام ما إن دخل محمد عليه الصلاة والسلام المدينة حتى جمع الأوس والخزرج تحت ماذا؟ تحت راية الإسلام العظيم الأوس والخزرج وجمع معهم قريش وقبائل العرب كلها وانطلق بهم عليه الصلاة والسلام وأرسلهم في هذه الدنيا الواسعة يبلغون رسالة الله وأبدلهم الله عداوتهم وفرقتهم ألفة ووحدة ويذكرنا بذلك قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بماذا ألف بين قلوبهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم، بين قلوبهم. بماذا آتت الألفة؟ آتت الألفة بالإسلام، آتت الألفة بالقرآن، آتت الألفة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبسنة المصطفى عليه الصلاة. هذا الذي أتى بالاجتماع وبالألفة، هذا الذي أخرجهم من التشردم ومن التفرق ومن التمزق ومن التناحر فيما بينهم. Donc, et vous connaissez tous ces deux grandes tribus qui habitaient Médine. Et la guerre a duré entre eux plus de 120 ans, entre l'Aws et le Khazraj. Deux grandes tribus de Médine, non plus, ils avaient des liens de sang entre eux. Ils se faisaient la guerre à mort, non plus de 120 ans. Qu'est-ce qui les a sortis de cette guerre? Ils ont failli se faire exterminer toutes les deux, entre eux. Qu'est-ce qui les a sortis de cette déchirure? L'islam. L'arrivée de Mohammed a.s.w. à Médine, leur soumission à Allah azzawajal, leur suivi de Mohammed a.s.w. C'est ça qui a fait l'unité d'Yal Aws, d'Yal Khazraj, d'Yal Quraysh et des autres tribus arabes. Et après, quand ce ciment les a soudés, qui est l'islam, le Coran, la sunna de Mohammed a.s.w., Mohammed a.s.w., le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés ouvrir les cœurs des gens et les pays et propager cette religion d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cette déchirure dans laquelle ils étaient. Il est dit dans le verset: rappelez-vous le bienfait d'Allah Azza wa Jal alors que vous étiez des ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la fraternité entre vos cœurs, entre vous. Et vous êtes devenus par le bienfait d'Allah Azza wa Jal des frères. Alors que vous étiez sur une porte qui va vous amener vers le feu. Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvé pour qu'il vous montre ses signes. Peut-être que vous allez être guidé. Avec quoi l'union s'est faite? Il est dit dans notre verset: si tu dépenses ce qu'il y a sur terre, tout ce qu'il y a sur la terre, tu n'aurais pas pu réunir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis. Il les a unis avec quoi? Le Coran, Muhammad alayhi salam, la sunna de Muhammad alayhi salam. Donc il n'y a rien qui peut nous faire sortir de nos divergences, de nos déchirures et de tous les problèmes dans lesquels on est, à part si on revient à la parole d'Allah Azza wa Jal, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, et la voix de nos puissants d'Allah alayhim qui sont les compagnons de Muhammad alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection. En dehors de ça, on restera dans nos déchirures et dans nos divergences et dans nos haines. فالإسلام هو الذي صنع العرب وصنع بلاد العرب والإسلام هو الذي وحد العرب وجعل لهم كيانا وأمة وجعلهم يشعرون بارتباطهم مع بعضهم البعض وجعل لهم رسالة ولولا الإسلام لما كان لهم شيء من ذلك على الإطلاق أبدا. فالإسلام هو الذي جعل منهم أمة وهو الذي ربطه. الإسلام c'est lui qui a fabriqué les Arabes et c'est lui qui a fait exister des pays qui s'appellent les pays arabes. L'islam, c'est lui qui a fait l'unité arabe. Et il a fait qu'une communauté existe en tant qu'une communauté arabe. C'est l'islam qui les a fait exister. C'est l'islam qui a fait naître en eux ce sentiment de liaison et de relation entre eux. Et c'est l'islam qui leur a donné un message à transmettre au monde. Et c'est s'il n'y avait pas l'islam, il ne serait rien du tout. Il serait rien du tout. وفي هذا الزمان تسمع علماء الاجتماع يقولون إن المقوم الأساسي للقومية إنما هو اللغة والتأريخ بالدرجة الأولى. فإذا كان لأمة اللغة واحدة وتاريخا فهي تشكل أمة واحدة وقومية واحدة. وهذه نظرية خاطئة. وهذه نظرية خاطئة. Il y a une autre époque qui entend des sociologues à travers le monde qui disent que ce qui est le pivot principal sur lequel va s'accomplir le nationalisme et une nation, c'est la langue et c'est l'histoire en premier lieu. Si une communauté a une langue unique et elle a une histoire, bah, c'est une communauté qui existe. Et c'est une communauté unique et unifiée. Si c'est une théorie qui est fausse, فننظر الآن أين خطأ هذه النظرية؟ فننظر الآن فضل الإسلام على العرب وكيف جعل لهم تاريخا واحدا وكيف جعل لهم تاريخا فاخرا ولولاه لما كانوا أمة من الأمم. فالإسلام هو الذي أكمل وحدة العرب ولم تكن وحدتهم قبل نزول القرآن. فبعد نزول القرآن توحدت لهجاتهم وتوحدت لغتهم بعد اختلاف ونشأت وحدتهم بعد تشرذم وتمزق. maintenant regardons d'où le hic dans cette théorie. Regardez les bienfaits de l'islam sur les arabes. Comment l'islam a donné une histoire aux arabes, une histoire unique. Comment il leur a donné une histoire noble. Et si ce n'est l'islam, ben, il ne serait pas une communauté parmi les communautés. C'est l'islam qui a fait exister cette communauté qui est la communauté arabe. Et c'est l'islam qui a fait l'unité des arabes. Avant l'islam, ils n'avaient pas d'unité. Avant la révélation du Coran, ils n'étaient rien. Après la révélation du Coran, même le langage et les dialectes arabes vont être unifiés par la révélation. Et c'est la révélation qui va unifier les différentes langues arabes. Et c'est la révélation qui va les sortir de la déchirure et de la division et la dispersion. فنحكي لك قصة تبين لك مدى حقيقة هذا الأمر. كانوا عربا وكانوا لا يتفاهمون فيما بين. ذهب رجل من بلاد العرب إلى اليمن، واليمن عربية، وقصد هنالك ملكا من ملوك حمير، وكان الملك في متصيد له على رأس جبل. فوصل إليه العربي وسلم عليه وابتسم له، فقال له الملك فض. قال له الملك فض. فقال ذلك العربي والله أيها الملك لتجدني مطواعا ثم وتب فهوى في الوادي ودقت عنقه طاح من الجبل لفوق. Voici maintenant une histoire qui va te montrer la réalité comme quoi les Arabes n'avaient pas d'unité même dans leur langage. Un homme est sorti d'une région arabe, hein, et il est allé vers le Yémen qui est une région arabe aussi. Il est allé voir le roi de Himyar, et le roi n'était pas dans son palais, mais il était dans une partie de la forêt qui était réservée à la chasse pour lui. Donc il est allé le joindre là-bas. Quand il est arrivé au campement du roi, il a salué le roi lui a fait un sourire. Il lui a rendu son salut, il lui a fait un sourire, il lui a dit « Fed ». Et l'homme lui a dit « Par Allah, tu vas me trouver obéissant ». Et il a sauté du haut de la montagne, il est tombé, il est mort. Dans la, hein, il est tombé dans la vallée, il est mort. Parce qu'au Fed, dans la langue de cet arabe qui est venu voir le roi, voulait dire « Saute ». Et dans la langue du roi, voulait dire « Assis-toi ». Fed, fi lughati العربي هذا الذي زار الملك معناها في لغته هو نقز من فوق الكت فنقز هو من فوق الجبل وطحمات. وفض في اللغة ديال الملك اللي جاي يزوره هذاك العربي هي قعد تفضل قعد تيبي لك هذا ما كانش عندهم وحده في اللغه تتمونت كوا اذا با دينيتي او نيفو دو لا لونغ. فسال الملك ما شانه لماذا وتب. فقالوا له إن فض معناها في لغتي اقفز. والملك قال فض طالبا من الرجل أن يجلس. فقال الملك: ألا والله ليس عندنا عربية، ألا والله ليس عندنا عربية. فقال: من دخل غفار فقد حمر، أي من دخل مدينة غفار التي كان يقيم فيها هذا الملك فقد حمر، أي وجب عليه أن يتعلم لغة حمير لكي يتفاهم مع الناس. Il compte le roi a posé la question, mais qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi il a sauté? Il a dit, parce que faible, dans la langue de celui-là, ça veut dire saute. Ben, il a sauté, tu lui as donné l'ordre de sauter, tu es un roi, il a sauté. Et le roi, il a dit, par Allah, nous n'avons pas de langue arabe. Par Allah, nous n'avons pas de langue arabe. Et il a dit, à partir de maintenant, il est obligatoire pour quelqu'un, quand il rentre à Arfar, qui est la ville, la capitale de ce roi, il a dit, il est obligatoire pour lui de parler la langue de Himyar, d'apprendre la langue de Himyar. Pourquoi? Pour sortir, pour ne pas... Si on lui dit assis-toi, il se jette, il se donne la mort. C'est catastrophique. Donc le roi a décrété que tout un chacun qui rentre à Arfar, il doit apprendre la langue de Himyar. فالعربو لم تتوحد لغتهم إلا بالقرآن. فقبل الإسلام كان عندهم لهجات كالتي تقوم بين بلد وآخر، مثلا عند ربيعة ومضر وما يسمى بالكشكسة. حتى عندنا في اللغة البربرية كم الفرق بين كلام الريفي وكلام الورزازي؟ كم الفرق بين الذين يسكنون الأطلس المتوسط خنيفرة والنواحي ديالها وبين من يسكن تفرونت في جنوب المغرب؟ الفرق البر شاسع، هذا لا يفهم هذا. دوك لي زغاب leur langue n'était pas unique, n'était pas unifiée avant le Coran, avant la révélation du Coran et avant l'islam. Ils avaient différents dialectes. Comme tu prends le dialecte aussi, les berbères par exemple. Combien de différences entre le Kabyle algérien et les berbères qui sont parlés au Maroc? Combien il y a de différences entre la langue berbère parlée par les Réfins du nord du Maroc et ceux du Moyen-Atlas ou là ceux de la région du Tafraout, et ainsi de suite. Une grande différence. La même chose pour les Arabes. Ils avaient beaucoup de dialectes, ils ne se comprenaient pas entre eux. Bon, par exemple, la tribu de Rabia, ou la tribu de Mondar, ils appelaient ce qu'on appelait le Kashkasha. Kanu yitakallamuna bima yusamma bil Kashkasha. Ou le Kashkasha, nawm el kalam, tadji el kaf, fatat annto bishin. Le kaf le mu'annat, tatard de shin. Ou fi dhalik yaqulu sha'ir, علي فيما أبتغي أبغيشي، أي أبغيكي أبغيشي، بيضاء ترضيني ولا ترضيشي، بيضاء ترضيني ولا ترضيكي، لا ترضيشي. أش بتفهمت؟ فهذه كانت كشكشتهم عند مضر وعند ربيع. Nous prenons par exemple, ils avaient beaucoup de différences dans leur dialecte. Donc, par exemple, certains parlaient avec le kashkasha, c'est-à-dire à la deuxième personne du singulier, quand ils emploient le pronom à la deuxième personne du singulier au féminin, bah, le kaf va changer en shin, va devenir shin. Comme un petit peu ce qu'ils font les Égyptiens avec Jim, il devient le gars, Jamel, Gamel. Il y a Jamil, il y a Gamil. Bah, la même chose ici, dans le kshkasha, alayya fima abtari abrishi, il y a dans ce que je veux, hein? Je te veux, en parlant à une femme, mais on lui dit abriki, il lui dit abrichi. Ce qui veut dire que celui qui utilise le kaf ne va pas le comprendre. Celui qui va comprendre ce langage, c'est celui qui parle le kshkasha, tout simplement. Ceux qui ont l'habitude de changer le kaf de la deuxième personne, hein? Quand tu parles à quelqu'un, le deuxième pronom du singulier en féminin, hado, qui va le comprendre? Comme quoi il parle à une femme, ou là au féminin, c'est celui qui utilise la langue, le kshkasha. Et les exemples sont nombreux. Un petit lakatira. Comment ils parlent les Mصريون? Ils vont dire une mada. Jim bilkaf. فيه من يبدل وفيه من لا يبدل في القرآن. Et quel qari, quel muqri, mutqin, n'am. فالقرآن هو الذي وحد للعرب لغتهم ووحد لهجاتهم وجعل لغاتهم عامل توحيد بينهم. القرآن هو اللي جعل منهم اللي وحدهم ووحد لهم حتى اللغة ديالهم. نخلق بختون دولاس في القرآن كي يدوني إنونيسيتي وزهب et qui a même donné l'unicité à la langue arabe, qu'il n'avait pas auparavant. وفيما سطر لنا علماء اللغة رحمهم الله تعالى أن اللغة العربية هي أخت اللغة السامية هي أخت العبرية وما شكلها من اللغات السامية وترجع معها إلى اشتقاق واحد مثل السريانية والعبرية والكلدانية وفيما لاحظوا رحمه الله أن هذه اللغات بقيت متخلفة ابتدائية بينما اللغة العربية تطورت مع تطورات الحياة وبقي الفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى الذي جعلها لغة القرآن ولغة السنة. Donc, ce qui nous a été transmis par les savants des langues, c'est que la langue arabe, c'est la sœur de certaines langues sémites, d'autres langues sémites, ils ont les mêmes origines, comme le syriaque, l'hébreu et le chaldéen, tout ça, ce sont des langues sémites. Mais ce qu'ont observé les hommes, les savants des langues, c'est que ces langues sont restées primitives. Ils n'ont pas évolué. Alors que la langue arabe a fait une grande évolution dans la vie, et tout le bienfait revient à quoi ? Revient à Allah Azza wa Jal en premier lieu. C'est Allah qui a fait que cette langue et cette évolution et cette grandeur, nous choisissons pour la dernière des révélations. وببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام أصبح العرب يغارون على لغتهم كما يغارون على إسلامهم وعلى قرآنهم وعلى سنة نبيهم وكل علوم اللغة العربية إنما دارت حول محور القرآن والسنة ووجدت من أجل القرآن لما بدأ اللحن يفشو في الناس خاف المؤمنون أن يتسرب اللحن إلى القرآن فوضعوا قواعد اللغة العربية ووضعوا علوم اللغة العربية لماذا؟ لخدمة القرآن ولأجل القرآن فالقرآن هو الذي أوجد كل علوم اللغة العربية وطور كل علوم اللغة العربية يذكر لهم فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام et l'arrivée de l'islam les arabes commencé à défendre leur langue. Hein? Et à lui donner de l'importance par rapport aux autres langues. Comme ils défendent leur islam, et comme ils défendent le Coran, et comme ils défendent la Sunna. Toutes les sciences de la langue arabe qui ont existé après, vont exister autour. Leur leitmotiv et la cause de leur existence, ça va être le Coran, et ça va être la Sunna du Prophète, alayhi salatu wassalam. Toutes ces sciences de la langue, l'éloquence, la grammaire, toutes les sciences qu'on appelle les sciences de la langue arabe n'ont existé que pour le Coran et pour la Sunna. Hein? Au moment où des gens ont commencé à ne plus perfectionner la langue arabe et à être influencés par les peuples qu'ils côtoient, qui sont non arabes, mais certaines erreurs commencent à s'immiscer. Allah subhanahu wa ta'ala fait que Ali radiallahu ta'ala anhu et d'autres après lui, Ali a été le premier à demander à un homme de faire les langues de la langue arabe. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé après, c'est quelque chose qui émane directement d'un des khalifs, du quatrième khalif Ali radiallahu ta'ala. Quand il a demandé à Abul Usud de faire les règles de la langue arabe. Et toutes les sciences qui vont exister après, ce sont des sciences qui ont rapport avec le Coran. Les sciences de la langue arabe n'ont existé que pour le Coran et pour la Sunna. Donc tu vois que c'est le Coran qui est le pivot de toutes les sciences de la langue arabe. C'est autour du Coran que vont tourner toutes les sciences de la langue arabe. Fa wada'u ilaykum ar-rijal nahwu. وقضية النحو ما هي بالقضية السهلة يعني أنهم اضطروا إلى أن يتتبعوا لهجات العرب إلى أن يسمعوا العرب يتكلمون حتى يتمكنوا من وضع القواعد donc ainsi ces hommes ont fait des règles les règles de la grammaire et le fait de De créer les règles de la grammaire arabe, ce n'est pas une mince affaire, parce que ça demandait beaucoup d'efforts de leur part, c'est-à-dire d'aller et d'écouter les tribus, les différentes tribus, les différents langages des tribus, pour voir comment il est construit. Et partant de là, tout simplement, instaurer les règles. Donc c'était un travail colosse pour arriver aux règles de la langue arabe et à la conjugaison de la langue arabe, avant d'arriver aux autres sciences qui sont le balagha, le fasaha et autres. ولما أرادوا أن يفهموا كل ما في القرآن والحديث من الغريب تتبعوا اللهجات وجمعوا الشعر حتى يفهموا معاني الألفاظ ويفهموا غريب الألفاظ ويفهموا سر التراكيب وهكذا نشأت كل العلوم كل علوم اللغة العربية حول محور القرآن حتى علوم البلاغة فعلوم البلاغة في الدرجة الأولى لكي يفهم إعجاز القرآن ومن أجل الإسلام وأجل القرآن وضع نحو اللغة العربية ومن أجل القرآن كانت العناية باللغة والمعاجم وكل هذا بفضل الإسلام الإسلام هو الأصل في هذا كله et quand il voulait comprendre tout ce qu'il y avait dans le Coran tout ce qu'il y avait dans le Hadith et les terminologies des termes de chaque mot, hein, ben ils étaient obligés de réunir tout ce qui se dit dans les dialectes, et de réunir la poésie arabe pour comprendre la signification des termes, et pour qu'ils comprennent tout ce qui est étranger, dans les, tout mot étranger, et tout mot qui a une signification qu'ils n'arrivent pas à capter. Et pour comprendre le secret des compositions des phrases et des textes. Et toutes les sciences de la langue arabe, ainsi ils ont été existées. Par ce grand effort, ils ont pivot autour duquel ils tournent tous autour du Coran. Même ce qu'on appelle ulum al-balagha, l'éloquence, il fasaha, tout ça n'a existé en premier lieu que pour nous faire comprendre le défi du Coran. Où réside le défi du Coran dans le balagha, dans la langue arabe. Donc toutes ces sciences, au niveau de la langue arabe, n'existait que pour l'islam, pour le Coran et autour du Coran. Donc tout le bien revient à Allah Azzawajal et toute la louange revient à Allah Azzawajal qui a fait que cette langue, c'est la langue du Coran, c'est la langue du dernier messager et la langue de la sunna. فبعد الفتوحات الإسلامية تشعبت العلوم وأسبغت اللغة العربية لغة الفكر ولغة العلم ولغة الأدب والحضارة. Après les conquêtes islamiques, après la propagation de l'islam à travers le monde, les sciences de la langue se sont, il y a eu beaucoup de branches au niveau de la science, ils se sont étalés. Il y a eu la naissance de beaucoup de sciences. Et la langue arabe est devenue la langue de la pensée, et la langue de la science, et la langue de la littérature, et la langue de la civilisation. Et tout ça revient à Allah Azza wa Jalla. La louange, donc tout ça revient à Allah Azza wa Jal. Et tout ça, sa cause, c'est quoi? L'islam, le Coran, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Lamma intalaqa al-arabu bil islam ila al-buldan al-ba'ida anhum yaftahunaha. Ma alladhi dafa'a an-nas bid darajati al-ula ila ta'allum al-lugha al-arabiyya. Quand les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam et ceux qui sont arrivés après eux parmi leurs successeurs, quand ils sont partis conquérir, ouvrir, propager l'islam à travers le monde, qu'est-ce qui a poussé les habitants de ces pays à parler la langue arabe et à apprendre la langue arabe? Inna dafi'a huwa al-iman billah. Inna dafi'a huwa islamuhum wa imanuhum billah wa ittiba'uhum li sunnati al-mustafa alayhi salatu wassalam. Fa imanuhum bil islam kana yush'iru minhum yush'iru al-wahida minhum أن تعلم اللغة العربية فرض واجب لا مندوح حتى فيه. Donc le leitmotiv, qu'est-ce qui a poussé les gens à apprendre l'arabe? Un leitmotiv, c'est leur croyance en Allah Azza wa Jal, leur croyance que le Coran c'est la parole d'Allah et que Mohammed alayhi salam c'est le dernier des messagers alayhi salam et que l'islam c'est le dernier des messages. Hein? C'est cette foi au l'islam et leur soumission à Allah Azza wa Jal et leur foi au Mohammed alayhi salam et en son message qui a fait d'eux qu'ils ont appris l'arabe. Ils ont vu que le fait d'apprendre l'arabe est une obligation. Et en fait, تعلم اللغة العربية بالنسبة للمسلم هذا فرض وهذا واجب كما نص على ذلك أئمة الدين. لماذا؟ لأن الله جلت قدرته لم ينزل هذا القرآن ليعلق على الرفوف والجدران والصدور كما يفعله الجهلة، وإنما أنزله عقيدة وعبادة ومنهجا وقيما ونظاما، أنزله هداية للدنيا، فكان لزاما على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية لكي يفهم كتاب الله ولكي يقرأ كتاب الله ولكي يفهم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكي يتلدد بكلام أهل العلم وبتفاسير أهل العلم. وغيرت فخير من الله عز وجل. Que ça devient une réalité chez nous. Parce qu'on a tendance, en France et un petit peu partout, de négliger ce côté-là et de s'endormir. Il est aberrant qu'on se dit qu'on est sur la voie de ne plus dire d'Allah alayhi, que ça fait 5 ans, 10 ans qu'on est sur la voie et qu'on ne maîtrise pas la langue arabe. Il y a un hic chez nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des lacunes. C'est une négligence de notre part. Il faut prendre conscience de ça. La langue arabe par rapport aux musulmans est une obligation. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est descendu sur le Coran avec la langue arabe? Est-ce qu'il l'a descendu pour qu'on le mette sur les étagères? Ou là pour que les ignorants le mettent sur leur poitrine dans des coffrets en or? Loin de là. Il est descendu dans la... Il y a notre aqidah dedans. Il est descendu pour qu'on adore Allah azza wa jal avec. Il est descendu pour nous montrer la voie à suivre dans notre vie. Il est descendu pour régler notre vie. Il est descendu comme guidé pour l'humanité entière. Donc partant de là, il est obligatoire pour le musulman d'apprendre cette langue arabe pour comprendre le livre d'Allah, pour le lire comme il se doit, comprendre la sunna du prophète, prendre plaisir à lire les interprétations de l'opus d'art d'Allah alayhi. Si on reste toujours avec les traductions, quand est-ce qu'on va lire Tafsir d'Ibn Kathir? Quand est-ce qu'on va prendre plaisir à lire tout cet héritage que nous ont légué les imams de l'islam si on reste tout le temps avec les traductions? Il est impossible qu'on puisse goûter au goïx qui a dans cet héritage que nous ont légué le puiseur d'Allah alayhi, si on reste loin de cette langue qui est la langue arabe. Wallahu azza wa jalla yaqulu fi kitabih kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyadabbaru ayatih. Là il est dit de ce livre. C'est un livre que nous t'avons descendu, il est béni, pour qu'il médite ces versets, c'est-à-dire pour qu'il le comprenne. Il est dit dans l'autre verset, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an an'ala quloubin aqfaluha »« Ala yatadabbaruna washi quloubum zudin biqfula »« Matifum ujim Qur'an » Ne comprennent-ils pas le Qur'an où ils ont des cadenas sur le corps, sur leur cœur? Comme il est dit dans l'autre verset, le Coran est descendu pour qu'il soit compris. ويقول عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Et il est dit aussi, nous l'avons descendu un Coran arabe. Vous allez être doué de raison. Vous allez raisonner. ففهم القرآن واجب على كل مسلم ولا يستطيع أن يؤدى هذا الواجب إلا بتعلم اللغة العربية والقاعدة المعروفة عند أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولقد قال بهذا الوجوب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال به ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أئمة هذا الدين. Donc le fait de comprendre le Coran c'est une obligation pour chaque musulman. Où on ne serait arrivé à la compréhension de ce Coran qu'en apprenant la langue arabe. Et la règle connue chez les hommes de science, le moyen avec lequel on arrive à une obligation devient elle lui-même une obligation. Partant de là, les hommes de science disent, apprendre la langue arabe est une obligation, parce que c'est avec la langue arabe qu'on va pouvoir comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal et la sunna de notre prophète alayhi salam. Même Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a décrété qu'il est obligatoire d'apprendre la langue arabe. Et avant lui, l'imam Shafi'i et d'autres rahmatullah alayhi. وهذا هو الذي ساعد على تعرب العناصر كلها إسلامهم هو الذي ساعد على تعربهم جميعا برابرة أو سوريون أو مصريون أو سودانيون ما الذي سهل عليهم أن يتعربوا هو استسلامهم لله سبحانه وتعالى ومعلوم أن أخلص الناس للغة العربية أشدهم إيمانا بالله عز وجل وأشدهم إخلاصا لدعوة الإسلام ولمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. Qu'est-ce qui a fait maintenant que ces peuples qui soient arabes, égyptiens, syriens, soudanais, etc., qu'ils deviennent arabes et qu'ils s'arabisent? C'est leur foi en Allah Azza wa Jal, c'est leur soumission à Allah Azza wa Jal. Et il est connu à travers l'histoire musulmane que les hommes qui étaient sincères, qui ont travaillé cette langue arabe, sont ceux qui avaient une foi énorme en Allah Azza wa Jal et qui étaient sincères dans leur da'wa qu'ils ont fait pour l'islam. Et ils étaient sincères dans la voie de leur fuseur, d'Allah alayhi. وَلَقَدْ كَانَ مِنْ جُنْدِ هَذِهِ اللُّغَةِ لُغَةُ الْقُرْآنِ نَاسٌ لَمْ يُولَدُوا مِنْ نَسْلٍ عَرَبِيٍّ وَلَمْ يُوجَدُوا عَلَى أَرْضٍ عَرَبِيَّةٍ وَإِنَّمَا خَدَمُوهَا وَخَدَمُوا رِسَالَتَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُرْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهُمْ سِبَوَيْهِ وَقَرِيبًا إِمَامُ الْعَصْرِ وَمُحَدِّثُ هَذَا الزَّمَانِ الألباني رحمه الله الذي هجر مع والده من ألبانيا وعمره يقل عن 9 سنوات لا يعرف العربية وكثيرا ما سمعناه وسمعتموه في أشرطته يصحح للعرب نطقهم ويصحح لهم ما يقع منهم من أخطاء في العربية ويعيد تركيب أسئلتهم حتى تستقيم وكان يقول رحمه الله تعالى من تواضعه وانا الأعجمي rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Il fait partie des combattants et des soldats de cette langue, qui est la langue arabe, qui est la langue du Coran, des gens qui ne sont pas nés de famille arabe et qui ne sont pas à l'origine des arabes. Ils sont même pas nés dans un pays arabe, ni sur une terre arabe. Mais ils ont mis tous leurs efforts au service de cette langue arabe pour le message que véhicule cet arabe qui est l'islam, et pour Allah Azza wa Jal avant tout, et pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, fait de ces hommes l'imam du hadith et le prince des muhadithin, le prince des croyants dans le hadith, le Bukhari rahimahullah ta'ala. Il n'était pas arabe. Sibawi, l'imam de la langue arabe. Hein? Il n'est pas arabe. Et proche de nous, Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, le lion de la sunna de notre époque, et le muhadith du siècle par excellence, n'est pas arabe. Quand son père a immigré après l'invasion communiste de son pays, hein, il a immigré d'Albanie, il y avait à peine avant, il ne parlait pas encore l'arabe. Et il est arrivé, vous l'avez entendu, et tout le monde l'a entendu à travers ses cassettes, des fois, il corrigeait les constructions de phrases et de questions aux Arabes eux-mêmes. Et il disait, moi, le nom arabe. Par modestie, il le disait, rahimahullah ta'ala. Combien de fois, des Arabes qui appelaient du Yémen ou là, même d'Arabie, ils leur refaisaient refaire la construction de la phrase. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالفردوس الأعلى. والآن نسمع كثير من إخواننا يكسرون. نحن نكسر اللغة العربية. لو لله عليكم. لو سمعنا صحابي لقدر الله أحيا الله صحابيا وسمعنا كيف نتكلم العربية. استقل بيا في البلاصة. كاينش. فعلتم أي. فكثير من الناس الآن يكسرون اللغة العربية والمشارقة يقولون هذا يكسر أعظام سيبويه. لماذا؟ لأن سيبويه رمز اللغة العربية. سيبويه لم يكن عربيا ولكنه كان مسلما ولقد أدى للغة العربية خدمة لم يؤديها العرب أنفسهم، بل لقد كان أعرب من العرب رحمه الله تعالى. ما الذي جعله يتعلم اللغة العربية؟ بل ما الذي جعله يخدم اللغة العربية؟ ما الذي جعله يقوم بهذا الجهد العظيم؟ إنه إيمانه بالله ويقينه بالإسلام، هذا هو الذي دفعه لخدمة اللغة العربية. دونك فرون الله عز وجل وفحكاس لا لونغ عرب منتو. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait ressusciter un compagnon, il nous voit comment on fait de la langue arabe, il va avoir une crise cardiaque vite fait. Dès qu'il nous entend prononcer la première phrase, il tombe. Et les gens, ils choquent de l'Est, quand ils entendent quelqu'un casser la langue arabe, ils disent « Adel est en train de casser les os d'Yel-Sibawé ». Pourquoi il est en train de casser les os d'Yel-Sibawé ? Parce que Sibawé, c'est l'emblème de la langue arabe. Et Sibawé n'était pas un arabe. Sibawa n'était pas un arabe, mais c'était un musulman, un soumis à Allah Azza wa Jal. Il a travaillé la langue arabe, il a mis tous ses efforts, il a fait des efforts pour la langue arabe que même les arabes n'ont pas fait. Et il était plus éloquent dans la langue arabe que les arabes eux-mêmes. Qu'est-ce qui a fait qu'il a agi ainsi, rahimahullah ta'ala, et qu'il a fait ce travail colosse? C'est sa foi en Allah Azza wa Jal. C'est sa certitude sur cette religion qui est l'islam. C'est ça qui l'a poussé à servir la langue arabe. فالإسلام أيها الإخوة هو الذي جعل الناس يتعلمون اللغة العربية في كل زمان ومكان وجعل جنودها من العرب ومن غير العرب. C'est l'islam qui a fait, frère en Allah Azza wa Jal, que les gens apprennent la langue arabe en tout lieu et en tout temps. C'est l'islam qui a fait qu'il y a des hommes qui sont devenus des soldats de la langue arabe. Parmi les arabes et parmi les non-arabes. ومن الذي يدفع كثير من إخواننا الفرنسيين أو البلجيكيين أو الهولنديين لتعلم اللغة العربية؟ ما الذي يدفعهم؟ ما الذي يدفع بعض إخواننا الذين تعلموا في وهم فرنسيين أصلا أوروبيين أصلا دفعهم الآن لتعليم إخواني من اللغة العربية؟ وتكريس جهود كثيرة في بعض المناطق لتعليم إخواني من اللغة العربية. إنه الإسلام، إنه إيمانهم بالله، إنه إيمانهم بالقرآن الكريم، إنه إيمانهم بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، إنه تباعهم لمنهج سلفهم الصالح وهم صحابة رسول الله، هو الذي يدفعهم إلى كل هذا. Regarde ce qui pousse maintenant beaucoup de nos frères européens, qu'ils soient hollandais, français, belges, etc., à donner des efforts et à apprendre la langue arabe. Qu'est-ce qui pousse certains à s'acharner sur le programme de Médine, le premier tome, le deuxième tome, etc. Et qu'est-ce qui pousse certains de nos frères qui sont français d'origine ou là, belges d'origine ou autre, à enseigner maintenant la langue arabe à leurs frères? Si leur foi en Allah Azza wa Jal, si leur soumission à Allah Azza wa Jal, c'est leur foi en le Coran, en le messager d'Allah Azza wa Jal, leur suivi de ce messager alayhi salatu salam, leur suivi de la voix de leur puiseur d'Allah alayhi, c'est ça leur leitmotiv, c'est ce qui les pousse à agir ainsi. Faïlaykoum, qit'a min muqaddimati Abi Mansour Ta'ali Birah. نيسابوري رحمه الله لكتابه فقه اللغة لتروا كيف كانوا يخدمون اللغة العربية ويرون خدمتها قربة إلى الله عز وجل وخدمة للإسلام وللدعوة إلى الإسلام. نجيب لير تخديكسيون نبي منصور الثعالبي رحمه الله نيسابوري pour son livre فقه اللغة la compréhension de la langue. Vous voyez comment ils mettaient leurs efforts au service de cette langue arabe. Et comment ils voyaient que le fait de servir la langue arabe, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et c'est un moyen de servir l'islam et d'appeler vers l'islam. يقول رحمه الله من أحب الله تعالى أحب رسوله ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم وأفضل العرب، ومن أحب اللغة العربية عني بها وصابر عليها وصرف همه إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإسلام وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمهما من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. رحمة الله عليه يلدي رحمة الله عليه celui qui aime Allah et qui aime le messager عليه الصلاة والسلام، celui qui aime Allah et qui aime le messager عليه الصلاة والسلام، et celui qui aime le messager عليه الصلاة والسلام qui est arabe donc aime les arabes، et celui qui aime les arabes aime la langue arabe avec laquelle il descendit le plus noble des livres sur le plus noble des créatures d'Allah عز وجل arabe et non arabe. Et celui qui aime la langue arabe, il s'occupe de cette langue arabe. Il patiente, il endure, il passe son temps, il se préoccupe à la maîtriser. Et celui que Allah guide vers l'islam et ouvre son cœur à l'islam et à la foi, et il lui a donné un bon intérieur, croit que Muhammad c'est le meilleur des messagers d'Allah, et que l'islam c'est la meilleure des religions, et que les arabes sont les meilleurs, la meilleure des communautés parmi les communautés, et que la langue arabe c'est la meilleure des langues, et le fait d'accourir vers la langue arabe et de la comprendre, ça fait partie de la religion. Le fait de s'acharner à l'apprendre, à la comprendre, ça fait partie de la religion. Car c'est le moyen, c'est l'outil de la science, et c'est la clé pour comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. لو لم يكن إخوة الإسلام في الإحاطة بها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائها ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان لكفى بهما فضلا يحصل بهما أثره ويطيب بهما ثمره. Ici il n'y avait dans la langue arabe que le fait d'approfondir sa connaissance de la langue arabe, le fait de la comprendre et de la maîtriser complètement. S'il n'y avait pas dedans, s'il y avait dedans tout simplement que le fait d'être arrêté sur le défi qu'a fait Allah dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour les humains entiers, c'est suffisant. Et dans le fait de connaître la langue arabe, il y a au fait, ça augmente ta foi, ça te donne la certitude sur la prophétie de Mohammed alayhi sallam, qui est un des piliers de la foi. Et c'est énorme déjà comme chose, ces deux points sont énormes. Ils ont un impact très important dans la vie du croyant. ولما شرف الله سبحانه وتعالى اللغة العربية وعظمها وكرمها ووحى بها إلى خير خلقه وجعلها لسان وحيه على لسان أمينه وخلفائه في أرضه وأراد بقاءها ودوامها حتى تكون في هذه العاجلة لعباده قيد لها حفظة وخزنة من خيار الناس وعيال الفضل وأنجم الأرض تركوا في خدمتها الشهوات وجابوا الفلوات وبدلوا لاقتنائها وسامروا القناطر والمحابر وكدوا في حصر لغاتها طباعهم وأسهروا في تقييد شواردها أجفانهم وأجالوا في تقييد نظمها أفكارهم وأنفقوا على تخليد كتبها أعمارهم فعظمت الفائدة وعمت المصلحة. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette langue, il lui a donné cette grande importance, et il l'a honoré, il l'a révélé par cette langue à la meilleure de ses créatures qui est Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui a révélé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y ait des gens après Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui vont défendre cette langue arabe. Ils vont faire que cette langue arabe va rester pure. Hein? Et va être protégée. Parce qu'Allah a voulu que cette langue soit la langue de l'adoration de ses serviteurs, ici dans ce bas monde. Allah a fait exister pour la protéger des hommes qui ont voué leur vie. Hein? Et parmi les plus nobles des gens, il les a fait exister pour vouer leur vie au service de cette langue. Ils ont délaissé pour servir cette langue leur plaisir, leur sommeil. Ils ont veillé pour cela. Ils ont traversé les déserts pour réunir la science de cette langue. Ils ont tout noté. Et ceci est arrivé jusqu'à nous. Alhamdulillah. Et la louange revient à Allah Azza wa Jal. Et nous, on en profite maintenant. C'est pour ça qu'il est de notre devoir d'approfondir notre connaissance en langue arabe. Pour pouvoir se rendre compte de cet effort confié nous ayant rahmatullah alayhim. Et qu'est-ce qu'ils ont donné comme sacrifice? Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié comme temps? Hein? Ils ont quitté les leurs des fois pendant plusieurs années, plusieurs mois, pour servir cette langue et les sciences qui ont rapport avec cette langue. Wa kullama dhaharat qurunun لتحطيم هذه اللغة قيد الله سبحانه وتعالى من يحطمها. Chaque fois que des cornes apparaissent pour détruire cette langue, Allah سبحانه وتعالى fait sortir des hommes qui vont anéantir ces manigances et ces ruses et qui vont anéantir cette guerre qui se fait contre la langue arabe. فهذا إن كان يكشف لنا شيء إنما يكشف لنا أن أولئكم يناضلون الذين ناضلوا عن اللغة العربية كان نضالهم من أجل القرآن والإسلام وهذا هو الذي ساعد على تعريب البلاد جميعا على تعريب البربر وتعريب كل من لم يكن عربيا وأصبح اليوم عربيا. Ça, ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que ceux qui ont fait des efforts pour la langue arabe, ils l'ont fait pour le Coran, pour la religion d'Allah Azza wa Jal, pour Allah, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour avoir la récompense, et pour le livre d'Allah Azza wa Jal, et pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui a permis et qui a aidé à que ces peuples non arabes, qu'ils soient berbères ou autres, sont devenus des arabes et ils ont appris la langue du Coran. فالآن والعالم الإسلامي يعيش أزمة من أخطر الأزمات. لو كان للمنهج السلفي أي منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان مكانته التي يستحق في حياتنا ما كانت هذه الأزمات ولا فندت. Et aujourd'hui, avec les situations difficiles que vit le monde musulman, si la voix de nos plusieurs d'Allah alayhim qui sont les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection avaient la place qu'ils méritent dans notre vie, toutes ces catastrophes et toutes ces problèmes vont être anéantis. عاش العراق في الثلاثينات حروبا مع الأكراد دامت وقتل فيها عدد كثير من الناس وكان لها أثر وسيء على العراق ومع ذلك كان هنالك مفتاح الأزمة ولم يستعمل ومفتاحها طبعا هو الإسلام. هو الإسلام على منهج صحابة رسول الله لأن الإسلام كان يجمع بين الأكراد وبين غيرهم من سكان العرب من سكان العراق ومنهج المصطفى عليه الصلاة والسلام صحبه الكرام كان يجمع كان نقطة الجمع بينهم ولم يستعمل هذا. الإسلام هو الذي عرب الأكراد وهو الذي عرب العراق. لماذا؟ لأن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الدين ولغة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Dans les années 30 et un peu avant aussi, l'Irak a connu beaucoup de guerres entre les Kurdes et les autres populations d'Irak, qui ont duré très longtemps. Il y a eu beaucoup de sang qui a été coulé. Et ces guerres ont eu un impact néfaste sur la population d'Irak. Malgré tout ça, il y avait la clé de l'ouverture du problème. Mais il n'a pas été utilisé. la clé de l'ouverture du problème, c'était l'islam. Parce qu'ils se rencontraient sur un seul point, qui est l'islam. L'islam était leur point d'union. Ils pouvaient utiliser l'islam avec la compréhension de ne plus servir d'Allah alim. Ils sortaient du dilemme et de la catastrophe qu'ils ont vécu. C'est l'islam qui a fait que l'Irak a été arabisé. Parce que l'arabe, c'est la langue du Coran, c'est la langue de la Sunna, c'est la langue de cette religion. Et c'est la langue du prophète de cette religion. فعندما انطلق الإسلام وانطلقت دعوته وفتح الدنيا كان أبناء الجالية الثانية هم الذين ينشرون العربية ويناضلون من أجلها ويقومون ويقومون بعملية التعريب. Quand l'islam, frère en Allah, Azzawajal, s'est propagé à travers le monde, ce sont les enfants de la deuxième génération des pays qui ont été soumis à l'islam qui défendaient la langue et qui enseignaient la langue et qui propageaient la langue et qui faisaient une da'wah à l'apprentissage de la langue arabe. Hein? La deuxième génération des pays qui ont été ouverts par l'islam, c'est eux qui propageaient la langue arabe, qui la défendaient et qui l'enseignaient. تحكي أحد الأساتذة وهذه واقعة في الثلاثينات عندما بدأت هذه الدعوة الخبيثة الدعوة إلى القومية العربية. بعث أحد الأساتذة المصريين إلى شمال العراق إلى كركور لتدريس اللغة العربية وكان الطلاب الأكراد كارهين لدرس اللغة العربية ولمدرسي اللغة العربية لما كان يسوءهم من هذه الدعوة الخبيثة إلى القومية العربية وهم أتراك وأكراد. Donc un des profs égyptiens, c'est une histoire qui remonte aux années 30, à l'époque de l'effervescence du nationalisme arabe, cette dawa impure qui a fait beaucoup de mal dans le monde musulman, quel Cheikh Ibn Baz rahmatullah a réservé tout un épître pour anéantir cette da'wa au nationalisme arabe. Un des profs qui a été muté d'Égypte, envoyé d'Égypte pour enseigner, et pour lui, ils l'ont envoyé au nord de l'Irak, vers la ville de Karkor. C'est une région pleine de Kurdes, pour enseigner la langue arabe. Et les étudiants kurdes en avaient marre, n'aimaient plus la langue arabe, ni les arabes, ni les professeurs de langue arabe. Parce que ils subissaient, ils voyaient mal cette da'wa au nationalisme arabe. Et ceux qui faisaient la da'wa au nationalisme arabe, évidemment, ils faisaient quelque part du racisme. Et ils voyaient d'un mauvais œil et d'un œil avilissant les autres qui ne sont pas arabes. Et il est évident que ces Kurdes qui sont turcs et qui sont kurdes, à la voix, ils le sentaient. فيقول هذا الأستاذ الذي بعث إلى هناك يقول فلما دخلت عليهم أحسست هذه الكراهية في أنفسهم فقام وكان ذكيا وخطب عليهم خطبة فقال لهم لا أقرأ عليكم الخطبة بكاملها ولكن فقط مقطعا وهو المقطع الأخير من هذه الخطبة فقال لهؤلاء الأكراد والأتراك هناك تعلموا اللغة العربية لا من أجل هؤلاء أي لا من أجل هؤلاء الذين يدعون إلى القومية العربية بل من أجل محمد عليه الصلاة والسلام الذي تحبون والقرآن الذي تقرؤون والله الذي تعبدون قال ففاضت العيون بالدموع وخشعت القلوب وانمحت الكراهية من الوجوه وصار درس العربية أحب الدروس إليهم هذا جرى وهذا يجري مثاله الآن بهذه الدعوات الخبيثة التي تدعو إلى إحياء اللهجات وإحياء الحضارات المحلية واللغات المحلية. Il dit ce professeur, quand il est rentré dans cette salle et rencontré le groupe qui lui était réservé, il a vu la haine dans leur visage. Il a senti la haine sur eux. Et il a fait une exhorte, il a fait une sorte de khutbah. Il leur a dit, je vais vous faire une khutbah, je vais vous exhorter, mais je ne vais pas lire tout ce que j'ai préparé. Parce qu'on l'a déjà préparé à ça. Donc il a préparé un texte. Mais à la fin, il a vu qu'il faut qu'il lise que la fin du texte. Il leur a dit, je vais vous lire juste la fin de ce texte. Et il a dit à ces Turcs et à ces Kurdes, apprenez la langue arabe, non pas pour ces gens-là, non pas pour les Arabes et pour ceux qui appellent au nationalisme arabe. Mais apprenez la langue arabe pour Mohammed a.s.w. que vous aimez. Apprenez la langue arabe pour le Coran que vous lisez. Apprenez la langue arabe pour Allah que vous adorez. Et ça, ces phrases les ont atteints. Ils ont pleuré. Et cette haine s'est effacée. Et le cours d'arabe est devenu quelque chose que ces Kurdes et ces Turcs aimaient à ce moment-là. Ils sont revenus à reprendre le chemin de cette salle où est enseignée la langue arabe. La même chose maintenant, on sent une haine à travers l'Afrique du Nord avec ces gens qui appellent au fait de faire revivre les cultures régionales et les langues régionales. Tout ceci sous l'étendard, les cultures internationales, il faut les protéger. Mais il y a quelque chose derrière tout ça. C'est nous éloigner de la langue du Coran. C'est nous couper de la langue de la révélation et de la langue de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam pour redevenir des ajam. Alors que déjà on est des ajam, on ne maîtrise pas très bien la langue arabe. Qu'est-ce qu'il en sera si on répond à cet appel? Nous devons faire très attention. Il est évident, comme on l'a dit au départ, que les langues, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est l'un des signes d'Allah azza wa jalla, les couleurs, les langues, etc. Il faut qu'ils voient qu'est-ce qu'ils veulent de nous, ceux qui nous appellent à faire revivre ces dialectes. Ah, il y a quelque chose derrière. Il y a une guerre contre l'islam. Et ça, c'est un moyen, parmi les moyens qu'ils utilisent pour combattre l'islam. فَعْلَمُوا أَنَّ الْإِسْلَامِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْجَزَائِرِ عَرَبِيًا وَالْمَغْرِبِ عَرَبِي وَالْمِصْرِ عَرَبِي وَالسُّودَانِ عَرَبِي وَالْعِرَاقِ عَرَبِي وَالسُّورِ عَرَبِي فالإسلام هو الذي وحد اللغات واللهجات وهو الذي نمى اللغة العربية وطورها بينما تختلف بقية اللغات السامية والإسلام هو الذي عرب البلدان المفتوحة صباح خير الله عز وجل كل إسلام c'est l'islam qui a fait que l'Algérien devient arabe, que le Marocain devient arabe, que le Tunisien devient arabe, que l'Irakien devient arabe, que le Syrien devient arabe, que le Soudanais devient arabe. C'est l'islam qui a unifié les dialectes de la langue arabe. C'est l'islam qui a fait évoluer la langue arabe. Et qu'il a été élevé. Et il a eu un rang plus que les autres langues sémitiques. C'est l'islam qui a fait des pays qui ont été conquis par l'islam, qu'ils deviennent arabes. Et l'islam est celui qui a ahkama al-lugha al-arabiyya wa hafidha. فكل يعلم أن الدولة الإسلامية التي قامت قد أصابتها عوارج الزمن تفككت وضعفت وزال نفوذها السياسي وأصبح هنالك تخلف فكري واجتماعي ولكن اللغة العربية بقيت والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ما هي لغة هذا الذكر المحفوظ من الله عز وجل أليست هي اللغة العربية فهي محفوظة من الله عز وجل donc l'islam c'est lui qui a donné la perfection à la langue arabe et c'est lui qui a protégé la langue arabe tous vous savez la grandeur qu'avaient les pays de l'islam à une certaine époque et tous vous savez la bassesse dans laquelle sont tombés la khilafa dans laquelle la bassesse dans laquelle est tombée l'Empire ottoman et d'autres empires. Et comment la pensée a reculé, la pensée musulmane a reculé, et la pensée arabe a reculé. Et comment, même au niveau social, il y a eu une certaine bassesse. Mais la langue arabe est restée telle qu'elle. La langue arabe est restée telle qu'elle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, nous avons descendu la révélation et nous la protégeons. Cette révélation est descendue avec quelle langue? Avec la langue arabe. Et quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala protège. Est-ce que quelqu'un peut quelque chose? personne ne peut quoi que ce soit pour détruire la langue arabe. Il restera jusqu'à la fin des temps. Nous allons arrêter là, inshallah. Nous terminerons la deuxième partie, inshallah, demain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.